puis nous allons nous aventurer un petit peu loin du studio. En tout cas, moi, je vais aller observer l'atelier Lutry qui se trouve de l'autre côté du bâtiment, de l'autre côté du couloir, dans la salle de jeu. Et puis, par la magie des apps et de la technologie actuelle, avec mon téléphone, je vais pouvoir vous rejoindre à l'antenne. On va parler avec les participants, participantes et les organisateurs de cet atelier et apprendre plein de choses sur la lutherie, de la cornemuse et des flûtes. Alors je m'y précipite. Et c'est parti. Allô? Oui, allô? Tu m'entends? Allô, allô? Oui, je t'entends. Ah, super, il m'entend. Est-ce que nos auditeurs et auditrices nous entendent? Voilà. Vous pouvez toujours réagir si vous n'entendez pas. Hein. Je suis devant la porte de la salle de jeu que j'ouvre. Ah. Et je pénètre dans un petit paradis, celui de la fabrication d'instruments. Alors, on est ici en train de fabriquer des instruments, mais on est aussi ici en train de les tester. Et nous retrouvons Emma. Emma, qui nous a manqué. Emma, voilà. Salut, c'est qui au téléphone? C'est pas que les paparazzi. Salut, paparazzi aussi. C'est qui au téléphone? Eh bien, c'est Jeanne. Et c'est la radio, Radio Pelle. C'est toute la radio, Emma. Tu nous as tellement manqué. Comment ça se passe? En sol et en dos. En sol et en dos. Comme ça. Et ben ça a l'air de bien se passer. On a fabriqué les hanches roseaux et on les a foutues encastrées dans des cannes de Provence et puis là on est en train d'essayer d'accorder nos bourdons pour que ça fasse soit du dos soit du sol. Là, voilà l'étape. J'ai un peu l'impression d'être au garage et on est un peu en train de m'expliquer ce qu'on a fait dans le moteur et je ne comprends rien. Quelles sont les étapes précédentes? Qu'est-ce qui se passe dans cette salle de jeu? Pousse. Hein? Pousse. Je t'annonce, pousse ici. Ah. La table où il y a la table de retardateur. Ah, d'accord. Ah, oui, très bien. Alors, je vais essayer de me mettre à côté de toi. En plus, on est à côté de la table où on coupe, où on accorde. Mais ouais, il y a. Bah, en fait, on a récupéré des bouts de roseaux, voilà. Donc, des roseaux comme la plante, n'est-ce pas? On a taillé dedans une petite lamelle qui est genre juste pour soulever une petite lamelle, laisser passer l'air. Quand on soulève, ça fait donc une hanche simple qui se met à vibrer. Et à partir de là, une fois qu'on a créé deux types d'hanches simples qui réagissent de la même manière à la pression de l'air quand on les met dans la bouche, ensuite on peut les enfiler dans des cannes de Provence, et donc des roseaux plus grands, quoi, on va dire. Et là, pour essayer de trouver des notes. Et donc, en fonction de la longueur du tube, ça change la tonalité de la note. Donc, on est en train d'essayer de s'accorder pour avoir du do et du sol et créer une espèce d'unisson comme ça, un peu plus joli avec battement. Mais là, on en est là. C'est vraiment. Et donc, quand on dit on, il s'agit de qui exactement? Parce que vous êtes plusieurs à officier et à conseiller. Est-ce qu'il y a des postes particuliers, des gens particuliers? J'ai trouvé la meuleuse. Alors, la meuleuse, ouais, en fait, la meuleuse, on s'en est servi à la base pour créer un outil qui nous a servi à percer les cannes. Parce qu'à l'intérieur des cannes de Provence, il y a en fait des nœuds qui sont obstrués. Du coup, c'est vraiment des opercules à l'intérieur des cannes. Et donc, voilà, donc là, on s'est servi de la meuleuse qui est je sais pas où là, pour fabriquer une mèche qui vient percer à l'intérieur. Donc, c'était magnifique. Qu'à voir tout à l'heure dehors, voilà, avec Octave on a fait ça. Donc, qui officie? Il y a oui. Octave Courtin, Lise Barcas, Clément Versileto, Quentin Eisman, Julien Vadé et moi-même. Et voilà. Comment est-ce que vous avez constitué le casting de cette équipe de choc. Bah, on... C'est quoi la genèse de ce projet? On a pris que les beaux gosses. que les BG de la place. Ouais. Non, la genèse, ben, la genèse telle que c'est écrit sur le site internet. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça quand même. C'est ouais, bon, qu'il y a deux ans. On peut pas lire à la radio. On peut pas lire. Ah merde. Il y a des gens qui n'aiment pas trop lire. Non, mais c'est qu'il y a deux ans, bah, il y a eu toute une thématique au Festival Archipel sur le souffle et l'air et le et voilà, et donc avec pas mal de concerts autour des instruments à vent, des cornemuses et autres, entre autres, dont il y avait Lise Barcas qui était invitée et Clément Verseletto. Et du coup, je suis tombée complètement fan parce que j'ai eu l'occasion d'essayer la cornemuse de Lise et tout. Et je me suis dit, on devait, oh là là, crise d'amour, vraiment. Et donc, on a ensuite organisé à Chantemerle, bah, c'est un lieu, une espèce collective dans la forêt, quoi, pas très loin d'ici. On a organisé une semaine de résidence, partage de savoir autour de la fabrication de ces instruments. Et puis, chaque personne a un peu conseillé d'autres qui avaient d'autres savoirs, et dont notamment bah, Quentin Eisman, qui est genre un peu notre référent ange simple roseau. Octave, bah, lui, c'est, il arrive que maintenant, mais Octave, bah, du coup, qui est un peu le référent, on va dire, lutri en général. Julien, qui a été, bah, ça c'est Clément qui a proposé à Julien, parce que Julien fabrique aussi une chier d'instruments à vent et autres, et en électronique et tout ça. Et puis après, bah, il y a tout un tas d'autres gens qui sont venus, dont Jeanne et Antoine, n'est-ce pas, les amis? Et Camille Lepage et Barbara Meli, etc., etc. Et voilà, c'est ça, quoi. Et ensuite, bah, du coup, nous voilà, parce que Marie Janson, plus ici présente, est venue en fait, est venue voir le. Elle est venue voir le résultat de ce moment de partage, quoi. Et ainsi, nous voici maintenant. Et puis, vous avez commencé à 10h. Ça s'est un peu organisé de quelle manière? Parce que vous êtes en train de constituer un instrumentarium, pourrait-on dire, à quelle finalité? Est-ce que les gens vont se contenter de repartir chez eux et de pourrir la vie de leurs voisins et voisines avec ces instruments, ou est-ce qu'une étape... Non, il y a une étape intermédiaire, c'est-à-dire qu'à 18h, on va essayer de proposer une espèce de parade, session d'écoute comme ça, déambulatoire, là, par là, enfin ici, quoi, à la maison communale. Et bah voilà, pour faire un petit peu écouter le résultat de ce qu'on a réussi à faire. Mais effectivement, depuis 10h ce matin, on y est. Puis en fait, c'est quand même un grand travail de patience et tout ça pour réussir à créer des instruments qui soient, disons, assez stables. En fait, c'est ça qui est vraiment un peu le plus difficile. Et donc, bah, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est tout le process en général, quoi. C'est que tout le monde puisse avoir un peu les clés pour réadapter, modifier, stabiliser leur instrument, enfin, de connaître un peu tous les rouages par rapport à la pression de l'air, la taille des hanches, la flexibilité des matériaux, enfin, comment réparer, comment accorder, comment même changer, refaire une hanche. Enfin, voilà, tous les matériaux sont trouvables genre dehors ou très facilement. C'est pas cher. Enfin, voilà, c'est vraiment de pouvoir se constituer un instrument soi-même, l'accorder et puis aller pourrir ou enchanter ses voisins et ses voisines. Oui, mais c'est pas... C'est vrai qu'il y a des gens qui se réjouissent d'à peu près tout type de pression acoustique. Comment, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah non, mais j'en fais partie. Et puis pour avoir participé à une première mouture de cet atelier, j'ai pas été très... très doué au final, enfin, mon passage n'a pas été couronné de succès de lutri, mais par contre j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à, ben déjà simplement à comprendre comment un instrument s'organise, en fait, de quoi il est constitué, enfin, de tous ces éléments, et comment ces éléments finalement interagissent les uns avec les autres, enfin, ce à quoi il faut faire attention, et puis ça c'était quelque chose qui était effectivement très très bien expliqué. Après de la pensée au geste, enfin il faut parfois il faut pas pratiquer, quoi. Il faut parfois pratiquer, répéter, même s'il s'agit de tailler une hanche somme dans un petit roseau, c'est pas toujours une mince affaire. Ouais. Je vais peut-être aller interroger quelqu'un d'autre. Voilà. Bonjour. Je crois que c'est la seule chose que j'obtiendrai de cette... Bonjour. Bonjour Jeanne. Et bonjour Radio Pel. Et bonjour Radio Pel. Wesh. Alors comment ça se passe pour toi? Bah écoute, ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai deux tubes de roseau imbriqués les uns dans les autres. pour faire un sol grave. D'accord. Et faire du sub, Jeanne. Eh oui, du sub. Et ce sol grave, il va rester comme ça à l'état de sol grave ou tu vas l'utiliser dans un dispositif ou... Bah, peut-être bien lui faire des trous ou alors l'utiliser avec des ballons. Mais j'essaie de retrouver un autre sol à l'octave du dessus. D'accord. Pour créer plus de friction. Et puis ça, on le fait comment enfin... Et bah ça, on le fait comment? À tâtons. À tâtons. Et oui. D'accord. Non, il y en a qui y arrivent quand même mieux. Moi, j'ai de la chance et je m'en contente. Ok. Donc, c'est quand même un peu... Enfin, chacun a un peu des stratégies différentes. Complètement. Un peu plus opportuniste ou un peu plus, on pourrait dire, un peu plus technique, précise. Et en fait, tous ces éléments que tu as déjà imbriqués, ça fait partie de ce qu'on t'a expliqué depuis ce matin. Exactement. De très bons professeurs nous ont très bien expliqué la démarche à suivre. Et si tu devais rater la formation, ce serait plutôt 3, 4, 5 étoiles. 11 sur 10. Ok. On est dans un cadre exceptionnel, peu de participants et de participantes. Et puis je vois qu'il y a même des jus de fruits et des fruits qui sont... Alors oui, on a une organisation de snacks. Bien sûr aussi, il y a des snacks. Des snacks assez chouettes. Ah, il y a même du chocolat, donc... Qui nous permettent de ça nous vous altérer. Garde aussi autour des tables. Voilà, oui. Complètement. Bon, bah, très bien, bah, je vais continuer merci beaucoup, à m'aventurer. Merci beaucoup. Julien. Je pense que c'est sa vraie note de l'enfant. Je dirais que ça part en harmonie aiguë un peu. Complètement. Ouais, et tout. Ouais. Non, c'est le son de l'ange. Donc là, on est à quelle étape de fabrication de l'instrument? Là, on est à l'étape où on est en train de mettre des ballons qui est un des éléments importants dans la construction de cornemuse, c'est de faire une poche qui retient l'air. Et du coup, là, on est en train de fabriquer des petits trous dans les ballons et de fabriquer des ballons que ces ballons puissent accueillir, les deux tuyaux qu'on va leur mettre dedans, un bourdon et un chanteur sur lequel il y aura des notes. Et on a mis une petite upgrade, on a un petit défi supplémentaire, un petit challenge, c'est qu'on a décidé que tous nos bourdons allaient être accordés. Donc il a fallu passer aussi par une phase d'accordage de tous nos flutiaux. Donc là, on travaille avec quel matériau? Enfin, là, on parle de fabrication de cornemuse, mais bon, avec des matériaux qui sont un peu plus accessibles dans des quincailleries, dans des magasins de bricolage, tu peux un peu décrire ce avec quoi vous travaillez là et puis, Ouais, il y a effectivement, l'idée c'est de pouvoir fabriquer des cornemuses qui ne coûtent pas cher. Et après, il y a différentes personnes ici qui ont l'habitude de faire ça avec différentes techniques. Moi, par exemple, ma technique c'est d'aller chercher des trucs dans la nature, des cannes de Provence parce que j'habite dans le sud de la France et qu'il y en a plein, et de faire mes hanches et le corps de mes tubes avec. Mais sinon, c'est des tubes PVC qui sont normalement des gaines électriques, qui coûtent rien du tout. C'est des ballons qu'on trouve chez Action ou dans des bazars quelconques. C'est des élastiques et après du fil, du barnier. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a en matière première. Mais on arrive quand même à construire un instrument qui peut être quand même précis, qu'on peut utiliser pour jouer en ensemble ou qui va tenir un moment ou... Alors, le plus difficile, c'est de, je trouve, avec cette technique, c'est effectivement, on peut avoir en quelques heures et avec quelques dizaines d'euros une cornemuse. Par contre, pour avoir une cornemuse qui tient dans le temps et qui soit bien accordée, il faut passer beaucoup plus de temps. Et c'est souvent là où... Alors moi, je trouve que c'est aussi des instruments qui ont une singularité puisqu'ils bougent, ils se désaccordent, ils ont des tonalités et des tempéraments qui leur sont propres. Mais si on veut vraiment reproduire la cornemuse tempérée avec ça demande un peu de travail et surtout ça demande un peu de maintenance parce qu'à chaque fois qu'on va le reprendre il va avoir un peu bougé tout ça et c'est en ça que je trouve ça intéressant de construire ces instruments, c'est qu'ensuite on sait quand ils sont déréglés, on sait les re-régler et quand ils sont cassés, on sait les réparer. Et puis bon, enfin, de ce que je comprends, c'est pas un atelier qui vise à se substituer à une forme de construction un peu traditionnelle ou haut de gamme, mais tu parlais finalement de l'aspect singulier et puis aussi pratique de pouvoir construire ces instruments. Est-ce qu'il y a aussi, j'ai l'impression, une dimension un peu collective là derrière. Est-ce que tu peux un peu en parler ou je sais pas si tu as un truc à dire par rapport à ça. Moi, j'ai le truc à dire que je trouve ça plus marrant de fabriquer des instruments à plein que de fabriquer des instruments tout seul. Mais je trouve que c'est valable pour pas mal de choses dans la vie. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est le partage de savoir qui se passe pas que dans le sens les gens qui savent faire vers les gens qui savent pas faire. Déjà entre nous, entre les intervenants, on s'apporte plein de techniques qu'on a appris à utiliser, qu'on partage avec les autres, des petits tips, des petits tricks qu'on a trouvés et qu'on se partage. Et puis en fait, à chaque fois que quelqu'un fabrique. Même s'il n'en a jamais fait, il regarde, il fait « mais ça, on a le droit de le faire ». Et d'un coup, on se dit « ah bah oui, on a le droit de le faire et c'est un nouveau chemin pour essayer d'autres choses ». Et du coup, en ça, la dimension collective, elle est super parce que ça fait plein d'esprits, plein de logiques différentes qui travaillent pour aller dans le même sens, mais qui empruntent des chemins différents qui sont parfois inédits et qui, du coup, donnent des nouvelles idées et ça rebondit et ça va super vite, du coup. Ouais. Très bien. Bah merci beaucoup. Je vais interroger un autre maître de la construction. Tu vas entendre le son final de la cornemuse. Ah, volontiers. Voilà. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru déjà. Et je vais m'approcher d'Octave Courtin, qui est en train d'accorder les instruments. Octave. Ben, on t'a rencontré en début de festival avec une performance liée à un instrument que tu avais fabriqué. Et puis là, en quasi fin de festival, te voilà de retour dans la salle de jeu, mais cette fois-ci en train d'assister et puis même toi-même de fabriquer des instruments, mais avec une toute autre approche. Est-ce que tu peux en dire un peu Donc là, on est vraiment sur l'approche d'un atelier, d'une collaboration et d'un échange de techniques autour de la fabrication d'instruments de type cornemusique. Donc à partir de ballons, gros os, tuyaux, petits bouts de tuyaux, de la colle, de la pâte à fixe, du fil. C'est plein de choses comme ça, des matériaux assez variés, en tout cas dans une logique d'économie de moyens et de se pointer le matin et de repartir avec un instrument en fin de journée qui sonne. Donc, approche assez différente de la mienne en solo qui consiste à passer des mois dans mon atelier tout seul à fabriquer des instruments beaucoup plus chiadés. Et puis toi, tu t'occupes justement de quel aspect de cette fabrication ici? Est-ce que tu as un poste assigné? Ma matinée a été consacrée à fabriquer un outil à partir d'une tige en fer qui permettait de percer dans la longueur les roseaux, ouais. Qui au final a pris un petit peu de temps, donc il fallait écraser le métal, puis le mettre en forme avec une meuleuse à quatre pattes dans la cour, quoi. Donc ça prend forcément un petit peu plus de temps. Et puis là, sinon, je suis un peu en volant, donc j'ai fabriqué quelques anches et puis j'accompagne les autres à la demande pour s'occuper de l'accordage, ou un peu toutes les étapes en fait. Je suis un peu, je vais voir les gens. Alors toi, t'en es où? Qu'est-ce que ça va? Est-ce que je peux t'aider? Et puis hop, on cherche le sol. Donc là, on est sur un là. On va augmenter, réduire la perce. Ah tiens, sinon on peut alourdir l'anche. On peut plein de méthodes. Donc je cherche avec les gens. Et vous êtes à peu près à 3 heures d'une restitution ou d'une performance avec tous ces instruments. Est-ce que vous avez un peu prévu la manière dont ça allait se passer? Pas encore. Non, je pense qu'on va en parler d'ici une heure. Parce que ouais, j'ai un peu pu comprendre que vous étiez vraiment en train de chercher des accordages précis pour les instruments. Oui, bah là on est parti sur l'idée de se mettre tout en do ou en sol. Pour avoir, en fait, on aurait pu aussi très bien se dire chacun fait ce qu'il veut, nimp, et on verra bien. Et de toute façon, je pense qu'un nuage de bourdonnique de cornemuse désaccordé, c'est joli. Dans un escalier qui résonne, ça peut que être joli. Mais en fait, l'idée de se dire en do ou en sol, ça fait un référentiel commun et ça permet de travailler tout de suite la question de l'accordage et des différentes techniques. Donc en fait, je pense que ne serait-ce que pour l'exercice, c'est intéressant. Voilà. En do ou en sol. Bon, bah, merci beaucoup. Merci Antoine. Alors... Lise, Otto, oui. Qu'êtes-vous en train de faire ? Alors, nous sommes à la table des retardataires. Oui. J'aime beaucoup, dedans. Je connais bien cette table. J'aime beaucoup, oui. Je m'inclus dans ces retardataires, oui. Car je n'ai pas du tout avancé sur ma performance que j'étais censée faire en même temps que de l'entrée. Mais ce n'est pas grave, car je reprends tout du début maintenant avec Otto, qui est arrivé en cours de... En cours d'atelier. Alors, c'est quoi le début, justement ? Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. On est en train d'essayer de faire notre première hanche. Ouais, d'accord. Une hanche simple sur un bout de roseau. Et la première étape... Et comment en fait, ça se passe ? Il y a un petit débat sur la première étape. Ouais. Mais pour l'instant, je suis partie du principe qu'on faisait d'abord... l'entaille puis l'anche et qu'on aplatisse après, mais des fois j'aime bien aplatir d'abord, enfin gratter d'abord puis faire. Peut-être qu'on va essayer ça. Voilà, donc soit on va d'abord gratter le bord du roseau pour déjà avoir le haut de l'anche plat, oui. Et ensuite on va tailler par en dessous pour soulever la lamelle. Oui. Soit on va d'abord soulever la lamelle puis gratter. Alors moi je me souviens avoir bien galéré ouais. Et puis avoir même un peu campé à cette étape-là. Ah ouais. C'est pour ça que la première table est devenue la table des retardataires après ma table un peu personnelle. Otto, comment ça se passe pour toi ? Bien, écoute, j'ai l'impression que ta situation est très similaire à la mienne, à l'expérience que je suis en train de vivre. Voilà, donc je vois des tubes, des tentatives. Ouais. Voilà, des tentatives. Toutes sortes de tentatives, ouais. C'est intéressant. Des tentatives un peu infructueuses, enfin, on peut peut-être les utiliser pour faire du jardinage après. Oui, absolument. Ouais. Des tuteurs, ouais. Des tuteurs, ouais. Ouais. Mais ouais. Des tuteurs de toutes petites plantes. Mais comment analyses-tu cette contre-performance, ton échec? Eh bien là, regarde, le premier prototype, c'est que, tu vois, cette étrange toute petite roue, je ne sais même pas comment j'ai fait. Mm-hmm. Mais j'ai eu beau y aller timidement, j'ai quand même raté. D'accord. Voilà. Ensuite, Guillaume, c'était moi. La suite, voilà, la coupe a été un peu trop franche. Ensuite, elle a imité mon... Oui. Voilà, donc on est sur des choses très similaires, comme tu peux le voir. Ils peuvent servir peut-être de cuillère à soupe. Ah, peut-être, oui, ouais, oui, oui. Tout à fait. En gros, l'anche a été complètement sexuée, décapitée. Voilà. Décapitée, oui, parce qu'il y a un butoir. Il faut lutter contre l'envie de finir son geste. De pousser un petit peu trop loin. Exactement. Oui. J'ai poussé le bouchon bien trop loin. Ah, alors le... Voilà. Non, parce qu'il faut que je prenne le relais aussi à la radio. Toi, tu vas à la radio. Oui, mais... Donc, pendant que Jeanne dit bonjour et au revoir à tout le monde, moi, je m'éloigne de cet atelier cornemuse lutherie expérimentale. Je ferme la porte et je me redirige vers la radio. Donc j'arrive dans quelques minutes. Je pense que Jeanne va nous rejoindre aussi pour nous dire au revoir peut-être. Et puis au programme du jour... Il y aura justement cette restitution d'atelier qu'on pensait peut-être diffuser en direct, mais ça se passera à partir de 18h, donc il y aura certainement une coupe entre l'émission qui a lieu maintenant et puis la restitution qui se déroulera donc à 18h. Alors je raccroche le téléphone pour reprendre avec le micro.